République. Le jour des cons est arrivé, à l'Élysée c'est satanique, pour la paix son identité. Dégueule en bleu blanc rouge sur tout ce qui est fraternité, les flics qu'ils tirent sur tout ce qui bouge, de préférence sur l'immigré. La France redevient pétainiste comme au bon temps des colonies. Le bon français est un raciste, mais la nuit tous les chats sont gris. Enfants de la République, sur l'ultra-droite et ses salauds, sortez vos flingues, sortez vos trucs, crachons sur la gueule des fachos. Élite faciès pour les gitans, les sans-papiers sont condamnés, enchaînés comme des chiens errants, de désespoir ils vont crever. Des trous du cul, les fascisants sont au balcon, à la télé on lèche les culs, c'est la patrie du roi des cons. Allons enfants des bas quartiers, pour vous la vie c'est la misère, pour les flics vous êtes des gibiers, vous votre patrie c'est la galère. Tu traînes ton corps bien abîmé, tous ces connards qui font la fête pendant que tu crèves sur le pavé. La France redevient pétainiste comme au bon temps des colonies. Le bon français est un raciste, mais la nuit tous les chats sont gris. Enfants de la République, sur l'ultra-droite et ses salauds, sortez vos flingues, sortez vos trucs, crachons sur la gueule des fachos.